Bonjour à tous. Tout d'abord, pardonnez-moi pour ce petit podcast un peu tardif, mais comme vous l'entendez peut-être, j'ai la grippe. Donc voilà, donc on est le 5 décembre et je vais vous parler un petit peu de la pleine lune, mais qui aura lieu très bientôt le jeudi 8 décembre. Elle aura lieu à 4h09 GMT, donc plus ou moins à 5h10 en France, à 16 degrés du signe du Gémeaux. Et c'est vrai que, alors, la pleine lune en Gémeaux, tout d'abord astrologiquement, quand elle se crée, le Soleil, il est en Sagittaire et la Lune, elle se situe juste en face de lui, au degré près, sur le zodiaque en Gémeaux. Et il s'agit donc d'une opposition Soleil-Lune. Alors, la Lune en Gémeaux, elle est en lien avec quoi? Avec la maison astrologique 3. Et la maison astrologique 3, elle représente les contrats, l'apprentissage, notre façon de communiquer, notre entourage quotidien, comme les frères, les sœurs, les collègues, les cousins. Elle représente nos rapports aux personnes de notre entourage qui sont imposées par la vie et non les personnes que nous avons choisies. C'est pour ça qu'on ne parle pas ici des amis, puisque les amis, on les choisit. On ne parle pas des conjoints, conjointes, parce qu'on les choisit normalement aussi. Enfin voilà. Et cette maison 3, elle représente aussi les petits voyages, les petits déplacements, les moyens de transport. Alors, selon votre situation, eh bien, l'un de ces domaines, du coup, peut être mis en lumière par cette pleine lune. La pleine lune en Gémeaux, elle met surtout l'accent sur le secteur relationnel dans un sens large. Elle nous pousse à échanger, à communiquer. Elle favorise nos interventions écrites ou orales, les messages que nous voulons transmettre. Elle favorise notre sens de l'humour. Elle excite notre curiosité et elle peut aussi, selon les aspects du mois, encourager notre fraternité. Alors, si on regarde plus précisément le ciel de cette pleine lune en Gémeaux du 8 décembre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'elle est liée au trigone Mars-Saturne en signe d'air. Donc, cela renforce notre excellente dextérité. Les activités manuelles sont encouragées, mais aussi la vivacité intellectuelle. C'est vrai que Mars ici, on voit qu'il est toujours rétrograde lors de cette pleine lune, mais le carré qu'il forme avec Neptune est en train de se défaire. Donc par rapport à la dernière nouvelle lune, on est quand même dans la continuité. Cela confirme que l'atmosphère décourageante qui pouvait nous toucher dernièrement est en train de se dissiper pour laisser la place à la confiance. Donc on retrouve la sensation rassurante de maîtriser les événements, de bien gérer les situations, d'avoir les bons outils en main pour avancer dans nos travaux, dans nos projets, etc. Alors notons que cette pleine lune, et lors de la pleine lune en tout cas, et le lendemain, eh bien Vénus en Sagittaire est carrée à Jupiter en poisson. Donc là, c'est un aspect qui encourage notre optimisme. Il nous apporte une tendance un peu hédoniste, un peu excessive, dans le goût du plaisir et la recherche du plaisir, mais cela nous pousse quand même, du coup, c'est vrai, à nous ouvrir à tous les plaisirs de la vie, avec enthousiasme. L'enthousiasme est bien présent et ça fait quand même du bien. Alors, tout le monde est concerné par cette pleine lune. Par les pleines lunes en général, mais celle-ci en Gémeaux concerne davantage donc les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges, les Poissons, les Verseaux, les Béliers, les Lions et les Balances. Vous serez aussi davantage touché par cette pleine lune si votre ascendant ou votre lune tombe dans l'un de ces signes. Alors, de toute façon, je vais vous donner votre petit horoscope de la lune pour tous les signes. Alors, ami Bélier, eh bien, même si toutes les nouvelles ne vont pas dans votre sens, vous avez plus d'un tour dans votre sac pour rebondir. Taureau, financièrement, une affaire peut progresser, alors n'hésitez pas à négocier, démarcher, relancer un courrier, etc. En Gémeaux, eh bien, la pleine lune dans votre signe, elle renforce votre capacité d'adaptation, vos capacités manuelles aussi, intellectuelles. Votre sens de l'humour, donc exploitez tout cela. Ami Cancer, la Lune, elle vous incite à méditer sur les moyens à employer pour avancer dans vos projets. Une révélation peut vous aider et vous apporter peut-être une solution. Alors Lion, votre créativité mise en avant, n'hésitez pas à chercher des appuis pour avancer dans vos entreprises, des portes s'ouvrent. Vierge, vous avez l'art d'agir au bon endroit, au bon moment, vous pourriez en tirer des avantages professionnels. Balance, c'est le moment d'en apprendre davantage. Vous avez soif de connaissances, les stages, les formations, les applications diverses vous aident à creuser des sujets. Scorpion, la Lune vous offre une solution financière ou bien un appui soudain de la part d'une personne qui restait jusque-là dans l'ombre. Sagittaire, l'union fait la force. Votre partenaire de cœur ou un partenariat professionnel peut vous aider sensiblement dans un projet. Capricorne, la Lune vous apporte belle humeur et un dynamisme enviable. Vous vous régénérez plus facilement, profitez. Verseau, les travaux en équipe comme les réunions amicales sont encensés. Ne refusez pas les collaborations. Et enfin, Poisson, dans vos activités, une opportunité est possible, alors restez à l'affût, vous avez maintes possibilités de réalisation. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous retrouve, j'espère, plus en forme pour la prochaine nouvelle lune. À très bientôt.